suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Le génie des bébés, une série documentaire de Najma Bouakra, réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a l'odeur parfaite de la tête duveteuse des nourrissons et le désir jamais assouvi de savoir ce qui se passe sous ces 6 petits crânes. Mais aussi l'impossible souvenir de ces mois dans l'eau et l'obscurité, dont on nous assure cependant qu'ils sont fondateurs. Alors il y a l'envie de remonter le fil petit à petit pour comprendre comment se fabrique l'intelligence des bébés et surtout imaginer ce qu'ils perçoivent et comprennent de ce qui se passe autour d'eux et de ce qu'ils en font. Alors pour commencer, les personnages. Des bébés investis, d'autres aux super-pouvoirs, des bébés dans lesquels on peut projeter nos fantasmes, une pédopsychiatre attentive, un psychanalyste qui sait ce que le bébé nous fait, des obstétriciens qui guettent une première respiration, une chercheuse qui décompte les compétences, un psychanalyste qui cherche le dialogue, des médecins et des chercheurs admiratifs. Ensuite le décor, des cris, des grognements, une crèche, des liquides, des regards, des émotions, des salles d'accouchement, la première conscience de soi, des rires de bébé, une danse des mains, de l'inventivité, de la créativité et des capacités de dingue. Aujourd'hui, 3e épisode, on joue. Le bébé est un très très grand observateur des adultes qui prennent soin de lui. C'est même assez émouvant. Hein. Un bébé qui nous observe, ça peut être assez intimidant. Hein. Je crois que chacun a fait l'expérience. Il dit rien ou il dit pas grand chose. Et puis on a l'impression qu'il a accès à une certaine vérité de ce qu'on est nous-mêmes. Donc c'est assez émouvant, intimidant. Le nourrisson savant. L'enfant est le père de l'homme, disait Freud. Il y a quelque chose du mystère de la transmission chez l'enfant. Le génie des bébés. Najma Bouakra, Franck Lilin. L'enfant est le père de l'homme. Alors on peut dire évidemment, l'enfant, c'est à l'origine, c'est les premiers temps de l'homme qu'il va devenir. Mais on peut aussi lire cette phrase de façon plus énigmatique en se disant, l'enfant est le père de l'homme. Ça veut dire que l'enfant porte dans sa venue au monde tout le mystère de la transmission, l'irréductible d'une transmission. Il porte ce mystère à travers sa présence et son mode de présence qu'on rencontre d'emblée. Ouais, il a plus de bébé. Savant, sans le savoir. Il y a la mort qui met fin à la vie et il y a la mort qui porte la vie. Dans une maternité, vous avez beaucoup de fantasmes de mort. Et que chaque enfant qui arrive à se développer, à traverser la grossesse, à naître, qui est quand même un moment assez prenant de l'enfant qui surgit dans ses os, qui surgit dans le monde, il y a là une dimension presque qu'on pourrait voir comme héroïque. Il existe une compulsion à attribuer à l'enfant toutes les perfections. Maladie, mort, renonciation de jouissance, restriction à sa propre volonté ne vaudront pas pour l'enfant. Les lois de la nature, comme celles de la société, s'arrêteront devant lui. Il sera réellement à nouveau le centre et le cœur de la création. His Majesty, the Baby. Sigmund Freud. Aucune qualité n'échappe au bébé. C'est effectivement, on le trouve déjà dans le texte de Freud, cette notion que les bébés, puisqu'on leur transmet la vie, qu'on projette une partie de nous-mêmes et de ce qu'on a reçu, que ces bébés, donc, ils nous inscrivent dans quelque chose qui serait un fil éternel, celui de la transmission. Dans le banquet de Platon, à un moment donné, la question redoutable est posée, mais pourquoi donc est-ce que les humains font des enfants ? Sylvain Missonnier. Et il est répondu fort à propos que faute d'éternité individuelle, c'est ce que les humains peste de ne pas avoir, alors que les dieux l'ont, et ils sont dans une rage et une envie redoutable, eh bien, faute d'éternité divine, les humains, bon gré mal gré, se rabattent sur une éternité générationnelle. Donc, on fait des enfants pour s'inscrire dans l'éternité. C'est une formidable source de réenchantement du monde, mais aussi de consolation des peines, des manques. Bien sûr, quasiment tous les parents, toutes les mères se disent bah, « telle chose qui n'a pas été la plus belle pour moi sera la plus belle pour mon fils, pour ma fille ». Marie-Rose Moreau. C'est presque ontologique. Donc, je crois que tous les bébés ont une part de sublime qui est toujours un petit peu de rêve et d'élan vital dans les bébés. Je crois que c'est très fréquent. Je pense que le bébé fascine. Il est peut-être aussi la surface de projection de beaucoup de choses. Que le bébé peut être mis en place d'idéal. En fait, ce qui caractérise l'enfant François Ancerret. À peine né, c'est qu'il peut avoir ces deux places différentes. Ou bien être en place d'idéal, ou bien en place du bébé pulsionnel qui angoisse, qui fait peur, qui parfois persécute certains, ce qu'on peut bien comprendre, et qui peuvent avoir aussi une crainte par rapport à la responsabilité qu'ils ont face à cet enfant qui dépend d'eux, qui est dans la dépendance absolue, qui a une nécessité de l'autre. Alors peut-être que les deux versions, que ce soit le bébé mis en place idéal ou le bébé qui angoisse, fait qu'il y ait une réaction de ceux qui l'entourent de lui prêter des dons. Il a déjà une voix de chanteur, ou il a déjà la bosse des maths comme son grand-père, ou il a déjà le sourire espiègle de sa grand-mère qui avait telle fonction dans la communauté. Donc c'est très fort au sens, c'est très interactif, c'est-à-dire que moi je vois le bébé comme ça, mais progressivement, ce bébé va intégrer, évidemment, mais même presque physiquement, ce que l'on projette sur lui. Devreux appelait ça le puéril. C'est ce qu'on projette et qui modifie le développement de l'enfant. Et ça montre la force de la projection, qui est capable de donner des airs de ressemblance. Sachant que tout ça n'est pas linéaire. C'est-à-dire, si je ne veux pas projeter quelque chose sur lui, il y a des chances que ça se fasse en creux, en négatif, parce que c'est très fort et que c'est pas de l'ordre que de la volonté. Qu'est-ce que vous observez tout de suite, vous, en regardant le bébé ? On regarde d'abord comment il se débrouille avec la respiration, qui est en fait la première étape, si je puis dire, de son contact avec la vie aérienne, puisque dans le ventre de sa maman, il ne respire pas, bien sûr, hein, il est oxygéné par le placenta. Docteur Benoît de Saint-Cus. Donc, il sort du ventre de sa maman dans une couleur généralement proche du bleu marine, et très progressivement, en une minute et demie, le bébé rosit parce que c'est le signe, en quelque sorte, qu'il respire, que toute sa fonction respiratoire marche bien. Et donc, c'est un signe de bon état. Donc ça, c'est l'aspect technique. On surveille que le bébé devient rose de plus en plus. Et on le sèche, on lui met un bonnet. Et surtout, on le laisse faire connaissance avec sa mère et inversement. Et son papa, les communications entre un bébé et sa mère, c'est... Ça commence très très très très très très tôt pendant la grossesse, ça c'est clair. On a l'impression de temps en temps qu'il y a des mouvements du bébé qui sont corrélés complètement à l'état émotionnel de leur mère, ça c'est clair. Alors, à la naissance, oui, bien sûr, il communique énormément, hein. Il fait plein de choses. Son cerveau, il fait d'innombrables choses pour prendre contact avec sa mère. Les nouveaux-nés ont même des représentations du visage de leur mère, hein. Il y a des études qui montrent que quand on met derrière une glace des photos de mère chez les bébés de 2-3 jours, le bébé regarde préférentiellement sa mère alors qu'il ne l'a jamais vue quasiment, puisque quand il sort du ventre, il n'a encore pas utilisé beaucoup ses yeux et il a quand même une représentation du visage de sa mère. Ce qui veut dire donc qu'il aurait une image mentale de la mère déjà dans le ventre. C'est un bébé sorcier, ça. Oui, ils sont très sorciers, vous avez raison, ils sont quasiment tous sorciers. Évidemment, ils ne communiquent pas avec la parole, leur cerveau n'est pas encore, il faut qu'ils aient 2 ans pour commencer à bien manipuler la parole, mais leur cerveau est tout à fait capable d'enregistrer les émotions qui se passent autour d'eux et tout ce qui se passe, et ils comprennent parfaitement tout. Il se trouve que nous, à la maternité, nos salles de naissance sont organisées de manière que on s'occupe toujours du bébé à côté de sa mère. Et donc, au moment de l'accouchement, une fois que mère et bébé ont fait connaissance, eh bien, le bébé est mis sur une table à côté qui ressemble à celle qui est là, donc avec une rampe chauffante et qui permet de lui faire les premiers soins et tout ça. Et il arrive parfois que quand les mamans vont pas bien, par exemple une hémorragie de la délivrance ou quelque chose comme ça, eh bien, le bébé reste à côté sur la table de naissance pendant que toute l'équipe court autour de sa mère pour essayer de lui faire des tas de gestes qui sont nécessaires pour éviter qu'elle saigne trop, qu'elle soit transfusée, etc. Eh bien, à chaque fois, c'est pareil, pendant qu'on s'occupe de la mère, le bébé, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il ne dit rien, il ne manifeste rien. Il a bien compris qu'il ne fallait pas qu'il l'ouvre, que ce n'était pas le moment, qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui. Et ça, il commence à rebouger quand sa maman va mieux. Et c'est presque, elle et moi, à chaque fois, je le regarde, et c'est presque un test clinique. Quand on sent que la maman va mieux, il sent l'émotion, que tout le monde s'apaise, etc. Parce que les équipes aussi, même si on est professionnel, on a aussi des émotions, et il sent très très bien tout ce qui se passe, et il est tout à fait capable de s'arrêter de bouger pendant, des fois ça dure une heure et demie, il ne bouge pas. Et j'ai remarqué une fois, comme ça, par hasard, parce que le papa rentrait à ce moment-là. En général, on fait sortir les papas quand on s'occupe de la maman, parce qu'on a besoin de place, et voilà. Et donc, parfois, le papa arrive, et le bébé, il a bien compris qu'il y a quelqu'un qui pouvait s'occuper de lui, et là, il commence à rebouger. C'est étonnant. Et donc, ça veut dire qu'ils comprennent tout. Il leur manque juste la parole, comme on dit. Ils comprennent presque au-delà des mots. Ils comprennent parfaitement les émotions. Et probablement même, alors ça c'est une hypothèse, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai une chercheuse à côté de moi il va peut-être confirmer ou pas, j'ai même l'impression que comme ils ne sont pas dans le langage, tout leur cerveau s'occupe que d'enregistrer les émotions. Et donc ils sont sans doute un peu meilleurs encore que nous pour enregistrer les émotions, parce que nous, une grande partie de notre cerveau s'occupe à parler et à être dans le langage. J'ai même l'impression qu'ils sont encore plus savants que nous pour ça. Non, il y a plusieurs choses qui me parlent dans tout ce que vous dites, et c'est intéressant de croiser nos deux regards, justement. Maya Gracier, Nanterre Lab. Et on a beaucoup de grandes théories sur les bébés qui sont assez contradictoires, mais ce que vous dites sur cette possibilité, je crois qu'elle n'est pas du tout prouvée encore, que les bébés puissent peut-être faire des expériences émotionnelles encore plus précise ou subtile que l'adulte. Mais je pense qu'elle vaut la peine d'être mieux examinée. Mais en tout cas, on a quand même appris que les bébés ont des compétences supérieures aux adultes. Donc cet ancien modèle d'une expertise, d'une connaissance qui va s'accroître avec l'âge, elle est dépassée, puisqu'on sait que les bébés, par exemple, distinguent mieux les visages humains que les adultes. Alors on sait que les bébés discriminent des émotions à la naissance. Ils vont préférer un visage souriant, et ils font la différence entre un visage souriant et en colère. Donc on sait qu'ils ont des capacités de distinction, de discrimination, d'émotions précises dans les visages, dans la voix. Bon, eh ben écoute ma petite Sarah, maintenant c'est l'heure de dormir, de te reposer. Sarah a un jour. De te remettre de tes émotions. Puis quand on se réveillera, eh ben on va découvrir plein de choses. Tu vas ouvrir les yeux, tu vas me voir, tu vas voir papa, tu vas manger. Et tu seras plus fatiguée. Et t'apprendras plein de choses. Merci papa. le bébé a des facultés, des compétences qu'il peut utiliser. Par contre, nous sommes dans une grande difficulté de nous identifier à ce bébé. Donc c'est très difficile de nous identifier à la façon dont il utilise sa sensorialité, et encore plus à la conscience qu'il peut avoir de ces stimuli qui viennent le traverser. Jacques Daillon. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de relier peut-être la vie intra-utérine aux compétences qu'a le bébé à peine né, puisqu'on suppose qu'il y a une certaine continuité quand même entre les dernières semaines de la vie et les derniers mois de la vie intra-utérine et les premières semaines et premiers mois de la vie extra-utérine. Donc on sait que le bébé a d'emblée un certain sens de l'espace, de ce qui est en haut, de ce qui est en bas, de ce qui est en avant, de la distance, puisqu'on sait que les bébés vont pas spontanément tendre les bras vers des objets inatteignables. On sait que le bébé a le sens du mouvement, puisqu'il comprend comment un objet peut bousculer un autre pour le faire avancer. Alors évidemment, tout ça peut être mis en évidence seulement à quelques semaines ou quelques mois de vie, puisqu'il faut une expérimentation pour le mettre en évidence, et on ne sait pas ce qu'il en est réellement des percepts du bébé. Et on peut penser que tout est pré-expérimenté au stade intra-utérin. Mais il ne faut certainement pas réfléchir comme on pourrait le faire avec des adultes ou les adultes que nous sommes. Est-ce qu'on peut parler déjà d'émotions in utero ? On ne peut pas parler directement d'émotions in utero, mais on peut certainement parler de construction de l'émotion in utero. C'est-à-dire que l'émotion elle-même est quelque chose qui va venir à se construire sur une base physiologique, certainement, parce que les muscles, les commandes qui participent à l'organisation motrice de l'émotion, dont on sait qu'elles sont traduites physiquement, comme le sourire, comme le dégoût, comme la haine, etc., la colère, la peur, on voit déjà simplement s'organiser les centres musculaires capables d'exprimer cette émotion. Alors, quel est le lien entre l'expression de cette émotion et l'émotion ressentie reste pour l'instant une énigme. Et donc on a là tout le mystère de relation entre la motricité et le sentiment, entre l'émotion et le ressenti, entre l'action et l'intentionnalité. Mais ceci reste en partie aussi une énigme chez l'adulte. Annabelle Calin, vous menez une étude en ce moment sur les questions sensorielles autour du bébé, l'intersensorialité. Oui, donc en fait, ma recherche, alors plus globalement, ça porte sur le rôle du toucher maternel dans la communication mère-bébé. Et là, en fait, une partie de mon étude porte sur la perception sensorielle du nourrisson. Et en particulier, donc, je m'intéresse vraiment à comment les bébés intègrent, en fait, différentes informations sensorielles. Et donc là, c'est en lien avec, voilà, le toucher, la voix maternelle. On a l'intime conviction que dès la naissance, les bébés sont sensibles déjà à des correspondances entre les modalités sensorielles. Et il y a une théorie d'ailleurs qui s'appelle là-dessus, ça s'appelle la synesthésie néonatale. Et en fait, où justement, sur laquelle on dit que dès la naissance, les bébés sont capables de percevoir en fait ce type de correspondance. Comment est-ce qu'on peut savoir comment les bébés associent odeur, couleur, toucher ? C'est très très compliqué hein, de savoir ce que pense un bébé, ce que perçoit un bébé. Mais les psychologues ont développé des méthodes expérimentales qui restent discutables. Quand on regarde ça de loin, on se dit c'est quand même étrange de pouvoir affirmer que le bébé perçoit telle ou telle chose ou préfère telle ou telle chose à partir des temps de regard. On va mesurer combien de temps le bébé regarde quelque chose ou tourne la tête pour écouter quelque chose. Et à partir de là, on va interpréter ça comme une préférence ou une discrimination en tout cas. Est-ce que c'est parce que le rythme cardiaque change qu'on peut dire que l'émotion est plus intense ? On ne sait pas vraiment. Hein. Et bien, c'est un peu le mystère de l'humain, parce que même chez l'adulte, on peut lui parler, il peut nous dire « Ah oui, j'ai telle ou telle émotion », mais finalement, le langage, c'est quand même aussi un écran à la subjectivité. Pourquoi ? Ben parce qu'on ne peut jamais rentrer dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais nous, on est certains d'avoir une conscience. Est-ce que les bébés ont déjà une conscience ? C'est beaucoup débattu en ce moment. Pendant quelques décennies, la notion de conscience était un peu bannie. Et aujourd'hui, les chercheurs, les philosophes, les neuroscientifiques commencent vraiment à parler de conscience et à proposer que c'est possible de faire de la recherche sur la conscience. Et il y a récemment quelques articles qui sont sortis sur l'hypothèse d'une conscience néonatale, voire prénatale, ce qui pose évidemment des questions d'éthique. Mais moi, je dirais, on a des connaissances depuis un certain temps sur la conscience de soi, sur comment la conscience de soi se développe. Et longtemps, on a pensé que ça dépendait de la possibilité de se voir dans un miroir, et ce qui arrive assez tard. C'était vers un an et demi. Et aujourd'hui, on accepte communément que vers 4 mois, le bébé a une conscience de soi qu'on décrit comme une conscience de soi écologique, qui est très liée à la proprioception, à l'expérience de son propre corps. Voilà, mais à partir du moment où le bébé se comporte différemment en présence de quelqu'un et non seulement réagit, mais agit vers, donc s'exprime devant quelqu'un, pour moi, on peut déjà parler d'un état de conscience. Mon bébé est malade. Est-ce que le bébé a quelque chose à nous apprendre de la conscience ? Tout. L'idée du soi-noyau que développe Damasio est très intéressante, en particulier parce que il pourrait refléter ou permettre de décrire les états de conscience du bébé, états de conscience du bébé qui seraient en commun avec des états de conscience de l'adulte. La conscience telle qu'on pourrait la définir de l'adulte ne se résume probablement pas à l'idée grandiose que nous avons de nous-mêmes, mais à un autre état de conscience, qui est une conscience incarnée, qui est un sentiment d'être au monde, et qui réfléchit pas tant que ça sur la place de soi dans le monde et qui agit. Et cet état de conscience actif, qui serait soi, mais soi vécu et non pas soi représenté étant soi, aurait certainement à voir avec les états de conscience du bébé. Et que peut-être, d'une certaine façon, comme le dit Wittgenstein, la plupart des actions que nous menons, nous nous rendons compte de leur but ou même du fait que nous les menons, alors qu'elles sont déjà commencées, voire terminées. Eh bien, cet état-là est probablement celui du bébé, et c'est quand même un état de conscience, mais ce n'est pas l'état de conscience réflexif, c'est-à-dire de soi dans le monde, la capacité de dire « moi et je », à laquelle on attribue le plus souvent le nom de conscience, en tout cas de conscience de soi. C'est-à-dire qu'il y a une part de l'activité cérébrale qui serait de reconstruire sans cesse une cohérence entre les différentes actions du cerveau et qui pourrait aussi exister chez le bébé. Très probablement, il pourrait s'agir là de notre sensation minimale d'exister. En deçà de l'action entreprise, en deçà des stimuli perçus et organisés dans un monde relationnel où nous nous représentons. Donc dans cette synchronie imparfaite, se tisse une conscience progressivement, c'est ça ? Oui, alors je dirais que se tisse une conscience justement qui est liée à la conscience des autres, qui n'est pas la même, donc il y a pas, je pense qu'on a longtemps aussi hérité de cette idée de fusion mère-bébé, d'état fusionnel. Et je pense qu'on a aujourd'hui des décennies de recherches sur le bébé qui montrent que le bébé n'est pas dans un état de fusion, d'indissociation avec sa mère ou avec autrui, mais qu'il y a quand même un état de conscience particulier chez le bébé et auquel le bébé accède immédiatement, qui est une intersubjectivité, une sorte d'interconscience. Donc, c'est vrai que par rapport à cette donnée incontournable qui est qu'on est tous prisonniers de nous-mêmes, quelque part, le bébé peut déjà sortir de lui-même plus facilement qu'un adulte. Tu l'as trouvé ? On pense que le bébé est en lien constant avec ses propres perceptions du monde, c'est-à-dire que il est agent du monde, il est dans l'action dans le monde. Donc d'une certaine façon, il est. Le bébé est capable de mesurer les transgressions. C'est-à-dire que si un mouvement est fait et que ce mouvement ne devrait pas, d'après les préconceptions très probablement qu'il possède du monde, exister, à ce moment-là, il va manifester sa surprise. L'idée de Rocha était de démontrer qu'il existait au moins une forme minimale de conscience de soi chez le bébé. Pour cela, il a procédé à des expériences extrêmement simples. La plus simple de toutes, probablement, était celle de comparer la réaction du bébé dès lors qu'une main maternelle le touche et que sa propre main le touche, et voir la différence. Et une expérience plus sophistiquée a été de mettre le bébé devant l'équivalent d'un miroir, en fait un écran de télévision, et de se voir comme dans un miroir lorsque la retransmission, puisqu'il s'agissait d'une transmission, était directe ou en différé. Et on s'apercevait que soit un trop grand décalage entre le bébé et lui-même, soit un changement de rythme, les deux pouvant être équivalents d'ailleurs, amenait le bébé à un effet de surprise. C'est-à-dire il se rendait compte d'une certaine façon que ce n'était pas son propre mouvement qui était représenté. D'ailleurs, la plupart des expériences sur le bébé portent sur l'effet de surprise, sur le fait qu'il va changer ses rythmes et qu'il va détecter des transgressions. Donc il y a là une possibilité de détecter des transgressions. Alors après, à partir de là, dire que le bébé a un sens de soi, c'est aller très vite en besogne si on assimile ce sens de soi à ce qu'on appelle le sens de soi chez l'adulte. Le rire du bébé, c'est déjà de l'humour ? En tout cas, ça ressemble à une des définitions de l'humour de Bergson, c'est-à-dire c'est l'arrêt de régularité attendue, remplacé de façon subreptice par un autre événement. Et là, on a une forme d'humour, certainement. Ce qui veut dire que, très probablement, on peut opposer à des théories en blanc et noir, oui et non, que la conscience de soi du bébé n'est pas un acquis qui, à un moment donné, se fait dans un sombre brouillard sans rien pour arriver à la brutale et totale conscience de soi supposée de l'adulte. Le corps et le psychisme au tout début de la vie des enfants sont indissociables. On pense avec le corps. Le corps n'est pas simplement, c'est ce qu'on appelle l'image motrice, mais le corps n'est pas simplement le reflet du processus psychique sous-jacent dans les profondeurs de l'esprit. Le corps, c'est la pensée en mouvement, incarnée. On a réfléchi qu'au fond, le problème est un petit peu le même pour le chef d'orchestre et pour le bébé, qui bouge beaucoup les mains, évidemment, hein, dans leur travail de chef d'orchestre ou leur travail de bébé. Et dans les deux cas, il y a à la fois une expression. Le chef d'orchestre, avec ses mains, va exprimer quelque chose à l'intention de ses musiciens. Bernard Goff. Et le bébé va exprimer quelque chose de son monde interne à l'intention de sa mère. Mais en même temps, le chef d'orchestre va retraduire aux musiciens ce qu'il a reçu d'eux. Et il me semble que dans ton travail des mains, quand on commence à bien connaître le bébé, non seulement le bébé exprime quelque chose qui vient de lui, mais il montre aussi à la mère quelque chose qu'il a reçu d'elle. C'est une danse des mains à double sens. C'est étonnant parce que, alors que l'on ne sait pas encore si pour le bébé existe un tiers, on parle déjà de mains qui se tendraient vers un autre. Quand on pense à ce mouvement des mains, Vraiment chez les tout petits. Hein. Un bébé qui vient de vivre, par exemple, un moment très harmonieux, de jeu, d'interaction avec sa mère, son père, qui vous voulez. Il est encore dans les bras de l'adulte, pour ainsi dire. Et il va faire ce que Geneviève Hague, une grande observatrice de bébés, a bien montré. Il va faire ce qu'on appelle maintenant, à sa suite, une boucle de retour. Sa main va un peu partir de sa tête, comme ça, parce que les bébés sentent assez vite que la tête, c'est une partie du corps un peu spéciale, quand même. Et avec sa main qui part de sa tête, il va aller vers l'autre, comme pour toucher l'autre, et puis sa main revient, bien entendu, ça fait une boucle de retour, comme pour toucher l'autre au fond, à la recherche d'un point de rebond. Et ce mouvement-là, il est encore dans les bras de sa mère. Il n'y a pas d'écart spatial, c'est juste après un très bon moment d'interaction. C'est comme s'il voulait, dit Geneviève Hague, nous montrer, nous démontrer que ce qu'il vient de comprendre, dans ce bon moment interactif, c'est déjà un petit peu le circuit de l'échange. C'est que quelque chose part de soi, va vers l'autre, touche l'autre et revient. Et ce qui circule évidemment en premier pour les bébés, c'est l'émotion. Dans le mot émouvoir, il y a cette idée d'un mouvement vers le dehors. Le bébé est un acteur très important dans son développement, tenant compte de sa dépendance et des moyens faibles qu'il a au départ pour s'exprimer, qui sont compensés par l'extrême sollicitude, l'attention et la compréhension du donneur de soins, en général la mère. Pour vous, un bébé est déjà un être inventif, créateur. Le bébé est d'emblée un être créatif, son action vient changer le monde et l'organisation du monde. Donc il est déjà un être créatif et inventif, il le deviendra petit à petit. C'est impossible d'ici, de là où nous sommes adultes, de pouvoir se représenter l'immense travail que font les bébés. Les adultes écrivent, réfléchissent à partir de ce qu'ils sont et de ce qu'ils savent faire. Les adultes, très longtemps, ont décrit les adolescents comme des êtres immatures, impulsifs, etc., sans tenir compte que les adolescents ont beaucoup plus de capacité qu'eux à s'adapter au monde nouveau, et même au monde nouveau qu'ils ont créé. Et ceci se fait devant une période assez longue de cognition sociale, dans laquelle le cerveau va se façonner et qui a besoin pour cela d'expérience. Le bébé lui-même va devoir se façonner au monde, et dès lors va développer une puissance de travail, d'organisation, de réorganisation cérébrale, de maturation, de développement neuronal, d'expérience, de captation des stimuli, etc., qui est un travail absolument gigantesque, pour lequel il a des compétences physiologiques, et qui probablement est lié à des différences dans l'appréciation du temps, dans l'appréciation du détail, dans l'appréciation de l'intensité de la nouveauté, qualité qu'ont perdu les adultes et qui jugent ce pauvre bébé très incapable alors qu'il est simplement à un autre stade de développement. Est-ce qu'on peut imaginer que le bébé ait accès à des perceptions qui nous sont pour la plupart maintenant aujourd'hui inconnues, nous adultes ? On peut s'imaginer beaucoup de choses chez le bébé. Si simplement nous reprenons notre représentation du temps, si nous nous remémorons lorsque nous avions 5 ou 6 ans ce qu'était une journée. Une journée, c'était un univers. Pour nous, maintenant adultes, c'est presque rien. On peut s'imaginer que pour le bébé, une heure est déjà un grand espace, parce que dans cet espace de temps vont être produit et va recevoir un nombre de stimuli absolument extraordinaires qu'auront le caractère de nouveauté, que nous n'avons pas à ce moment-là, et qu'auront probablement un caractère d'intensité et de coloration différente. Et on peut imaginer que la vie du bébé est intensément colorée, mais aussi intensément réversible. Winnicott donnait l'exemple du bébé qui voit un voile légèrement battu par le vent et une luminosité différente quand le soleil rentre. Et c'est une expérience du bébé, une expérience complète et totale. À ce moment-là, nous sommes moins sensibles à cela. Mais ceci est aussi lié à des éléments donc physiologiques au niveau cérébral, mais aussi physiologiques à tous les niveaux. Par exemple, le bébé est dans un état d'équilibre très instable, contrairement à l'adulte. Quand il a faim, cette faim devient vite douloureuse. Quand il a soif, cette soif devient l'entraîne très rapidement vers la précarité et l'intensité. Le bébé vit dans un monde d'une très grande intensité, que nous avons du mal à nous représenter, parce que toute la période, de façon extraordinaire, qui définit le bébé, a échappé à notre mémoire, en tout cas à notre mémoire consciente. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. On pourrait dire que lui-même est peut-être perplexe. Perplexe parce que il surgit dans un monde qui le précède. L'autre le précède. L'autre est déjà là. En même temps, il faut que cette rencontre se passe. Et c'est aussi une rencontre de cet enfant en devenir, en émergence, avec le vivant qu'il constitue. Ça, je trouve que c'est important, cette question du vivant. Parce que ce vivant, il est comme en excès. Il passe d'un milieu stable, homéostatique, régulé, intra-utérin. François Ansermet. Dans un monde où il y a un changement de température, il y a la gravitation, et finalement, il va s'inclure dans un monde totalement autre et totalement différent du précédent. Autour de la naissance, il y a des changements majeurs. Et que c'est des changements physiques. Donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer que ce petit homme qui surgit, il doit faire l'expérience du vivant qui le constitue. Il doit traiter le vivant qui le constitue. Il doit se représenter aussi quelque chose par rapport à ce corps, ce vivant qui est en excès. En excès, parce qu'au fond, ça le déborde. Il y a la faim, il y a... Vous voyez, par exemple, on pourrait dire il y a le premier cri. Le premier cri, c'est la colonne d'eau qui est chassée des voies respiratoires. Je fais un peu comme ça, une fiction. Ce premier cri, il est accompagné d'une nécessité d'une réponse de l'autre. Par exemple, la faim, c'est la régulation de l'équilibre, passe par l'autre. C'est comme ça que le cri va être transformé en appel par la réponse de l'autre. Donc pour l'enfant, la réponse de l'autre lui est vitale pour s'équilibrer sur le plan du vivant. Freud appelait signe de la perception. Pour lui, tout dérive de la perception. Il y a cette première expérience où se réalise le nouage, un nouage, entre le vivant et le langage, entre le vivant et le monde de l'autre. Moi, je prends tous les paris que dans ce siècle-là, ce qui va être approfondi, c'est la question de la néoténie. La néoténie, c'est un mot un peu barbare pour dire simplement que le bébé humain est le bébé mammifère le plus immature. Et si on est un peu darwinien, on pourrait se demander pourquoi l'évolution a sélectionné une solution aussi dangereuse, aussi risquée au début, encore plus si le bébé est prématuré. Dans l'esprit darwinien, si une solution se maintient, c'est qu'elle a plus d'avantages que de risques. Donc s'il y a de gros risques au début, c'est qu'il y a aussi de gros avantages quelque part. Dans toutes les espèces, le bébé est extrêmement actif, indépendamment de la néoténie. Cette néoténie, par contre, va amplifier l'importance de l'action du bébé dans la construction de sa personnalité et dans l'apport de la culture et de l'environnement, y compris même pour le façonnage de son cerveau, de ses réseaux synaptiques et de leur organisation. Le bébé est capable d'engranger un nombre de stimuli extraordinaires. Le bébé modifie son fonctionnement cérébral de façon incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de synapses, c'est-à-dire de connexions entre les neurones se créent par seconde. Elles sont sensibles aux stimuli, vont se réorganiser. Capacité que n'ont aucun adulte. Le bébé est un compositeur, il est un créateur, il est un auteur. Il est un auteur et un acteur. Il est auteur de son devenir, il est acteur de son devenir. Il y a une coïncidence entre les deux. Mais je le vois plutôt comme il bricole, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a des au sens noble du terme. Comment qualifier ce travail de l'enfant, cette construction de l'enfant par lui-même à partir de l'autre? C'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Ce n'est pas dans la solitude que ça se réalise. Il faut concrètement mettre ça en jeu dans la relation, dans le langage, dans le monde du langage, dans le monde de l'autre. Puis il restera toujours aussi énigmatique pour lui-même. Les traces s'inscrivent, l'expérience laisse une trace. Dès la première trace, les traces se réassocient les unes avec les autres pour créer, au fond, dans quelque chose qui est pris dans un changement permanent. C'est-à-dire que le sujet n'est pas un ensemble de traces. Et que d'ailleurs, lui-même, quand il évoque des traces, par exemple dans un travail de mémoire, de remémoration, les traces deviennent labiles et susceptibles de nouvelles associations. Et que ça, toute expérience de mémoire est une expérience de transformation. La mémoire est dynamique. C'est là que l'enfant va être l'interprète de cette réinscription des traces où il va écrire une autre histoire que celle qu'on a écrite pour lui. Et dans ce premier nouage se joue tout l'enjeu de l'émergence du psychisme, de l'émergence d'un sujet, de l'émergence de l'enfant singulier, unique, différent, irremplaçable. Mon titi, et tu t'as vu mon super camion? Et moi, quand je vois celle-là, j'ai deux pieds, Je l'ai poussé. C'est certainement ça l'une des grandes découvertes, c'est que le bébé est un être actif. Il demande, il accepte, il refuse. Et que donc ce monde extérieur auquel il a très peu accès, du fait de son immaturité physiologique extrêmement importante, beaucoup plus longue que dans d'autres espèces, il va en quelque sorte y pallier par le fait de solliciter la mère comme ayant elle puissance sur le corps propre, le sien, et sur le corps propre du monde. Alors le bébé observe, et en particulier, il émet un signal d'attachement, il va regarder, observer comment l'adulte répond. Est-ce que l'adulte répond? Est-ce qu'il lui répond vite, pas vite, comme d'habitude ou pas comme d'habitude? Ça c'est très important par rapport à la tiercéité. Il va observer donc les réponses en termes d'attachement. Et une grande question du bébé, c'est est-ce que l'adulte qui s'occupe de moi est comme d'habitude ou pas comme d'habitude? Et il faut un petit écart. Et vous voyez que s'insinue tout doucement le tiers redouté qui modifie l'objet. C'est le tiers imaginé par l'enfant, parce qu'aujourd'hui la mère ne lui répond pas tout à fait comme d'habitude, et que la question qu'il a à se poser, est-ce que c'est moi qui la modifie ou est-ce qu'elle est modifiée par un tiers? Et ce premier tiers, si c'est pas violent, c'est très structurant, tout doucement il s'insinue, c'est le tiers qui modifie la mère, mais qui laisse la mère et le bébé ensemble. Alors, ce qui est fascinant chez les bébés, c'est que avant même que l'autre soit bien perçu, bien représenté dans la tête du bébé. Pourtant, il y a déjà un mouvement vers le dehors. On ne peut pas dire un mouvement vers l'autre, parce qu'il n'y a pas encore d'autre bien précis. Il y a quelque chose qui tend à s'exprimer, alors que justement, il n'arrive absolument pas à comprendre qu'un autre existe, qui n'est pas un danger. Déjà, ils ont des mouvements, ils ont des comportements, ils ont des ébauches de langage qui sortent. Et ça, c'est la question du lien. C'est-à-dire qu'avant même que l'objet soit représenté, il y a peut-être une représentation psychique du lien dans la tête des bébés. Et le premier tiers n'est pas un tiers séparateur. Ça, c'est la caricature oedipienne, papa, maman, l'enfant, voilà, tu vas te coucher, c'est moi qui dors avec maman, bon, très bien. Mais en fait, avant l'Œdipe, tout de suite, dès le début de la vie, le tiers pré-œdipien est un tiers reliant. C'est un tiers qui fait lien. Pour ça que je crois que les enfants adorent le chewing-gum. Parce que le chewing-gum, c'est l'exemple du lien qui relie, on peut se séparer, et quand même le lien persiste. Simplement, les parents se souviennent aussi, ils ont été des enfants, que le travail du début, c'est justement de se distancier sans se perdre, sans se lâcher, sans s'arracher, comme disent les adolescents. Se distancier en gardant des liens, et ces liens, c'est le premier tiers. C'est un tiers qui relie. Le rôle du père, d'ailleurs, au tout début, est un rôle qui contextualise la dyade mère-bébé, qui est en tiers, qui traduit d'ailleurs certaines choses de la mère vers le bébé, du bébé vers la mère, enfin les pères qui sont là. La première fonction tiers, c'est une fonction reliante, différenciatrice et reliante, mais pas séparatrice. On a beaucoup étudié le jeu de la bobine, le petit-fils de Freud qui symbolisait l'absence. Oui, mais on a oublié de penser que ce qui est le plus important dans la bobine, c'est la ficelle. L'enfant s'amuse à faire apparaître et disparaître aussi des objets, beaucoup. Alors oui, ça c'est effectivement un élément fondamental dans le jeu, avec ce fameux jeu dit de la bobine qu'a défini Freud, et qui est le fort d'art, qui est magnifique comme exemple de jeu. Donc l'enfant jette, donc l'enfant c'est le petit-fils de Freud, et l'enfant a sa maman qui part souvent. En tout cas, il ne supporte pas qu'elle parte, il trouve que c'est souvent. Quand elle part, et Freud regarde son petit-fils jouer, et où l'enfant jette une bobine, et puis ensuite, avec un fil, et ensuite retire la bobine, et quand il jette la bobine, il peut dire « haut » comme « forte », puisqu'on est à Vienne, et quand il la fait revenir, il dit « ah, da ». Ça veut dire qu'à travers ce jeu, il présentifie l'absence. Il rend présent ce qui est absent. Et en même temps, il lie ce mouvement de présence-absence à des sons, à déjà le chant de la parole. Donc c'est un jeu fondamental qui met effectivement en jeu la symbolisation qui est si présente dans tout jeu d'enfant. C'est de la mise en jeu d'une simultanéité, c'est-à-dire il y a un plaisir dans une expérience désagréable. Donc il y a une présence, il y a une absence. Il y a une présence dans l'absence et une absence dans la présence. Et qu'au fond, ça met presque en scène le rapport au temps. Freud avait une phrase « Wo es war, soll ich werden » là où ça était le sujet doit advenir, comme l'a traduit Lacan. C'est-à-dire qu'on n'advient qu'au présent sur la base de ce qui était mais qui n'est plus et de ce qui sera qui n'est pas encore. Et ça, c'est le vrai jeu de la vie. Je crois qu'au fond, ce qui m'émerveille, c'est la pulsion de vie et c'est Évelyne Lenoble. Cette capacité incroyable des bébés d'attraper tout ce qui passe pour s'en servir, pour aller vers l'autre, pour aller vers la vie, pour profiter de tout ce qui se passe, pour saisir tout ce qui se passe et pour faire des expériences avec à peu près tout ce qui leur tombe sous la main, sous la bouche, sous le regard, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont à leur disposition. C'est leur capacité à explorer le monde et à se lancer et à se mettre en danger. Y compris quand ils se lâchent pour se mettre à marcher, quand ils font des expériences qui, effectivement, quelquefois, sont dangereuses. Il faut bien qu'il y ait un adulte pour les surveiller. Mais en même temps, ces expériences sont essentielles et prouvent leur terrible appétit de comprendre le monde et puis d'essayer d'y trouver une place et d'essayer d'attraper toute la transmission et toute la suite que les parents projettent sur eux. Ewen, c'est qui là? C'est qui là? Ah, c'est toi? C'est toi là? Qu'est-ce qui est inquiétant dans le stade du miroir? Alors, ce qui peut être inquiétant dans le stade du miroir, je pense que là aussi, c'est une épreuve un peu d'équilibriste, parce que les éprouvés auxquels le bébé a eu affaire, ils viennent, si j'ose dire, de l'intérieur, de ses perceptions internes. Et le miroir, c'est une surface plane et froide qui est à l'extérieur. Et l'image qu'il a, c'est une image inversée de toute façon de lui, enfin de son visage, de son corps. Et c'est une image qui est à l'extérieur. Et c'est une information qui lui vient comme ça, toute faite, toute donnée, toute mise en forme par une image et par l'extérieur et qui ne colle absolument pas à ses éprouvés. Tout le monde s'émerveille et lui dit que c'est lui. Et lui, le bébé, l'enfant, il a ce travail à faire qui n'est jamais complètement achevé, hein, puisque dans nos civilisations, on passe toujours devant un miroir à un moment ou un autre de la journée, on regarde son visage. Nombre de gens en pleine crise d'identité se disent « mais qui suis-je ?» en interrogeant le miroir. Le miroir peut répondre sur la forme, mais sur le fond, il dira pas grand-chose, le miroir. Et de toute façon, les réponses du miroir ne suffiront jamais à dire quoi que ce soit de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est extrêmement important. Et le bébé est face à cette question-là dès qu'il est face à un miroir. Et s'il n'est pas parlé par cette mère qui vient lui dire quelque chose de ce qu'il est, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'interprète? C'est souvent très très angoissant pour un enfant. Et d'ailleurs, les enfants, s'ils sont seuls, on peut souvent observer qu'ils évitent, ils n'y viennent pas forcément. Ils viennent s'amuser dans le miroir s'ils sont dans les bras de quelqu'un d'autre, et ça les amuse beaucoup, et tout le monde rit, et tout le monde rit parce que la mère ou quelqu'un d'autre est là pour rire ou s'amuser devant le miroir. Après, le bébé jouera avec le miroir, mais dans un premier temps, il faut qu'il soit accompagné. Tout seul, c'est assez angoissant, parce que là, du coup, il n'a pas les moyens de pouvoir se nommer lui-même dans le miroir. La nomination, elle vient toujours de quelqu'un d'autre. Dans le jeu, le bébé expérimente, il ne cesse d'expérimenter. Oui, l'enfant est un chercheur. L'enfant est un chercheur qui expérimente. Il expérimente dans le jeu, il expérimente par rapport à l'autre, il expérimente par rapport à son corps, il expérimente par rapport à lui-même. Je pense que de considérer un enfant comme un chercheur, comme un penseur, comme un philosophe, comme un scientifique, c'est peut-être la meilleure façon de lui donner une place dans le monde. Vole, papillon, au-dessus de ma maison. Le génie des bébés. Savant, sans le savoir. Merci à Maya Gracier, Marie-Rose Moreau, Evelyne Lenoble, François Ansermé, Jacques Taillon et Bernard Gols. Et sans oublier les enfants de la crèche Boule de Gomme à Lille. À la prise de son, Christophe Papon. Au mixage, Olivier Dupré. Un documentaire de Nejma Bouakra, réalisé par Franck Lila, avec l'aide précieuse de Tom Cariou. Attaché d'émission, Marie-Vanna Bolivier. Coordination, Perrine Kervran.